Quand l'inflation touche tous les produits du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commerçant pour soutenir votre pouvoir d'achat? Proposer des promos à nos clients fidèles? Ça n'aide pas tous les autres. Des offres pour tous sur quelques produits? On ne remplit pas un chariot avec juste quelques produits. Chez Hyper U et Super U, retrouvez 150 produits U du quotidien à prix coûtant. Le bénéfice est pour vous. 150 produits U disponibles et signalés en magasin dans les magasins Hyper U, Super U et sur courseU.com. Voir conditions sur magasin-U.com. Le prix coûtant constitue le seuil de revente à perte affecté d'un coefficient de 1,10 pour les produits alimentaires conformément à la loi Egalim. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les deux morts de Yasser Arafat. On le surnommait le lion aux sept vies. Rescapé de bombardements, de fusillades et même d'un accident d'hélicoptère, l'homme au café le plus célèbre du monde a toujours fui la mort qui lui tendait les bras. Mais en novembre 2004, un simple repas aura raison de lui. Des suites d'une mystérieuse maladie gastrique, non expliquée à ce jour, le président de l'autorité palestinienne meurt dans un hôtel parisien. Ce n'est qu'en 2012 que le cold case le plus célèbre du Proche-Orient est rouvert. Sa veuve porte plainte et demande à ce qu'on exhume le corps du défunt pour analyse. Yasser Arafat a-t-il été empoisonné? Et par qui? Qui avait intérêt à l'assassiner? Des rivaux au sein de l'OLP? Les opposants islamistes du Hamas? Ou évidemment l'ennemi israélien? L'enquête invite à se replonger dans les dernières années du vieux chef, en pleine seconde intifada, dans les cendres du protocole de paix, ici. S'écrit le crépuscule naissant du leader palestinien, figure controversée entre terrorisme et prix Nobel de la paix. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, professeur de relations internationales. Il publie la 6e édition de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30. Un drapeau couleur palestinienne sur le cercueil de Yasser Arafat. Les honneurs militaires rendus au Raïs défunt par la garde républicaine française. La sonnerie aux morts retentit sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Madame Arafat, toute de noir vêtue, est très émue. Des graves humaines accrochées au toit, aux murs, aux arbres, aux poteaux. Quand à 13h15 heure de Paris, les hélicoptères de l'armée égyptienne se posent dans la Moukata, on redoute le pire. Portés par le chagrin, la douleur et cette tradition toute méditerranéenne qui pousse le plus humble à s'approcher au plus près pour toucher le cercueil du grand défunt. Enfin, vient l'instant tant attendu de... 22 novembre 2004, cela fait déjà 11 jours que Yasser Arafat est mort à l'hôpital Percy, à Clamart, près de Paris. Son neveu, Nasser Al-Kidwa, se présente devant la presse, le dossier médical de son oncle dans la main. C'est à lui qu'a été confiée la mission de donner des réponses aux Palestiniens et au monde entier sur les circonstances de la mort du leader et donner un nom à cette mystérieuse maladie gastrique qui l'a foudroyé en un mois. Dans les rues de Ramallah, de Bethléem ou de Gaza, dans les camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie ou au Liban, deux certitudes s'imposent. Le raïs, qui veut dire chef en arabe, a été empoisonné et Israël est d'une manière ou d'une autre coupable. Al-Kidwa prend la parole. Pour l'affirmer, il faut une preuve. Or, nous n'avons pas de preuve qu'un empoisonnement ait eu lieu. Mais nous n'avons rien qui nous permette d'exclure définitivement cette hypothèse. Cette incertitude prudente est à l'image d'un dossier aux conclusions pour le moins ouvertes. Si les médecins français écartent l'hypothèse du sida, d'un cancer, d'une leucémie et n'ont identifié aucune trace de poison connue, les 13 pages se concluent par cette phrase. La consultation d'un grand nombre d'experts et les résultats des examens réalisés n'ont pas permis de retenir un cadre nosologique expliquant l'association des symptômes. En clair et en français, on ne sait pas de quoi Arafat est mort. Mais face à cette absence de réponse, ni la veuve du président, soit Arafat, ni le neveu, ni l'autorité palestinienne, encore moins la justice française ou israélienne, ne demandent alors l'ouverture d'une enquête. Un flou qui, semble-t-il, arrange tout le monde. Novembre 2012, Ramallah, Cisjordanie. Le calme est absolu autour de la Moukata, l'ancien QG de Yasser Arafat, où il est enterré. La pierre tombale, sans phare, sous laquelle le corps du président est devenu un imposant tombeau en pierre blanche de 11 mètres sur 11. Mais dans la nuit froide du 26 novembre, la quiétude sacrée du lieu est perturbée par les bruits d'une perceuse qui fore le béton. Le périmètre est bouclé et des grandes bâches bleues sont dépliées tout autour du lieu pour maintenir au secret les opérations. Le corps d'Arafat va être exhumé. L'autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas craignent en effet toute image susceptible d'être interprétée comme une profanation. Son pouvoir sur les territoires palestiniens de Cisjordanie, très morcelé, est fragile et contesté. Les islamistes du Hamas, qui contrôlent la bande de Gaza et avec qui l'accord de réconciliation est très précaire, ne manqueraient pas l'occasion, c'est sûr, de dénoncer le moindre blasphème orchestré par les dirigeants laïcs du Fatah. Alors, exhumé ou non Yasser Arafat ? Le débat anime la population palestinienne. En témoigne ce reportage de France 2, qui, comme beaucoup de télé au monde, a dépêché de nombreux envoyés spéciaux pour couvrir l'événement. L'exhumation fait polémique. Ces Palestiniens travaillent en Israël. Ils rentrent chez eux de l'autre côté de ces murs, en Cisjordanie. Comment peut-on sortir un mort de sa tombe ? Ce n'est pas raisonnable. On n'a jamais vu ça. Tout ça ne sert à rien. Nous savons d'avance qui l'a tué. Les Israéliens, ils ont tout organisé. Tout le monde le sait. Pour d'autres, malgré la tradition religieuse, il y a nécessité de savoir. Ça ne me gêne pas qu'on le sorte de sa tombe. Il faut connaître la vérité. En juillet de cette même année 2012, la demande d'exhumation est initiée dans le cadre d'une enquête judiciaire française à la suite de la plainte contre X déposée par la veuve d'Arafat, Soua. La décision de Mahmoud Abbas d'accéder à cette requête suscite beaucoup de critiques parmi les dirigeants palestiniens. La veuve d'Arafat n'est pas appréciée. On lui reproche d'avoir été une épouse fantoche, absente, profitant seulement de l'immense fortune de Yasser Arafat à Tunis, Malte ou Paris, où elle réside avec sa fille. Et pourquoi se réveille-t-elle maintenant, d'ailleurs, après 8 ans? Il est 5h du matin, en 27 novembre 2012, à la Moukata. Les 3 délégations d'experts internationaux qui doivent procéder au prélèvement sont arrivées sur place. Des Français, des Suisses et des Russes. Les Français sont mandatés par la justice française, les Suisses et les Russes par la commission d'enquête palestinienne. La tension est à son comble. Tout le monde se méfie de tout le monde. Les enquêteurs palestiniens n'ont aucune confiance dans les experts français. Et les Français, eux, doutent de l'impartialité des Suisses. Quant aux Russes, conviés à la dernière minute pour éviter un duel franco-suisse, ils restent silencieux. Les Français veulent déplacer le corps pour procéder au prélèvement, mais les Palestiniens refusent, car ils craignent une terrible maladresse et les Suisses vont dans leur sens. C'est à eux qu'est confiée la tâche de descendre dans le tombeau. C'est par ces mêmes laborantins de Lausanne que l'affaire Arafat ressurgit à l'été 2012. D'abord à la télé. La diffusion des documentaires explosifs « What Killed Arafat » sur la chaîne Qatari Al Jazeera a précédé la plainte déposée en France par la veuve Soua Arafat. Pour les besoins du film, elle s'est laissée convaincre de faire analyser les derniers vêtements portés par son époux. Et les résultats des scientifiques suisses sont sans appel. Voici la toque que portait Yasser Arafat lorsqu'il a quitté Ramallah. Nous avons prélevé plusieurs échantillons en différents endroits et la conclusion est claire. Nous avons trouvé à chaque fois des traces de polonium, des traces importantes. La veuve de Yasser Arafat veut savoir aujourd'hui toute la vérité. Je veux qu'on exhume le corps de mon mari. C'est ma responsabilité en tant que mère, épouse et compagne de ce grand homme pendant 20 ans. À l'aube, ce 27 novembre 2012 à Ramallah, la tombe est scellée de nouveau et Yasser Arafat retrouve la nuit éternelle de son tombeau de la Moukata. Les échantillons recueillis sur sa dépouille sont répartis dans 3 mallettes et s'envolent vers la France, la Suisse et la Russie. un an plus tard, les laboratoires pourront répondre à cette première question. Arafat a-t-il été empoisonné? Mais qui en appelle une autre? Qui avait intérêt à assassiner Arafat? Retour 12 ans en arrière, à l'été 2000, 4 ans avant la mort de Raïs palestinien. L'homme au kéfié joue alors sa dernière partition sur la scène internationale et signe peut-être son arrêt de mort. Tout se joue le 19 juillet 2000 à Camp David, près de Washington. Le sommet organisé par Bill Clinton pour trouver une issue au conflit israélo-palestinien dure déjà depuis une quinzaine de jours. Les images où, tout sourire, le président américain regroupe Yasser Arafat et Oud Barak, le premier ministre israélien, font le tour des JT dans le monde, mais en réalité, l'impasse est totale. Les négociateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Charles Amberlin fait le point pour France 2. En tout cas, les porte-paroles israéliens affirment qu'Ehud Barak est prêt à partir. Les journalistes israéliens qui doivent rentrer avec lui dans son avion ont été priés de préparer leurs bagages. Mais le porte-parole de la Maison-Blanche affirme que jusqu'à présent, ni Yasser Arafat ni Ehud Barak n'ont indiqué qu'ils allaient quitter le sommet. Mais les deux leaders, Ehud Barak et Yasser Arafat, ont chacun envoyé une lettre à Bill Clinton, s'accusant mutuellement de l'échec du sommet. Et puis si vous permettez, peut-être une histoire qui nous vient de sources palestiniennes. Hier, Ehud Barak est allé voir Bill Clinton dans sa cabine pour lui dire « Si je fais plus de concessions, je perdrai le pouvoir, je serai chef de l'opposition, c'est ainsi que vous me retrouverez à Washington. » Bill Clinton est allé voir Arafat, il lui a dit « Attention, Ehud Barak risque de perdre le pouvoir. » Yasser Arafat lui aurait répondu « Eh bien moi, on risque de m'assassiner comme Yitzhak Rabin et vous devrez discuter, non pas avec le chef de l'opposition, mais avec le cher Yassin, le chef du Hamas. » On en est là, l'atmosphère n'est pas à l'optimisme. Si Yasser Arafat craint un assassinat venu de son propre camp, c'est qu'il sait que le processus de paix est très contesté chez les Palestiniens. Et pour cause. Depuis les accords d'Oslo en 93, les conditions de vie de ses compatriotes ne se sont pas améliorées. Et l'autonomie des territoires reste toute relative. La colonisation se poursuit en Cisjordanie et Tsahal, l'armée israélienne, maintient une pression de tous les instants, rendant extrêmement difficile la vie économique des Palestiniens. Le pouvoir exercé par l'autorité palestinienne suscite également de nombreuses critiques. Trop autocratique et corrompu. Où vont tous ces millions envoyés à l'autorité palestinienne par l'Amérique, l'Europe et les pays arabes alliés? Les dirigeants de l'OLP, nés en Tunisie et de son principal organe politique, le Fatah, ont du mal à asseoir leur légitimité sur le sol palestinien. Dans leur dos, le mouvement islamiste du Hamas, très influent dans la bande de Gaza, encore occupée par Tsahal, se réclame du peuple et rejette, vomit même, tout accord avec l'ennemi héréditaire, tout en menaçant de multiplier les attentats. Du côté israélien, Ehud Barak, issu du Parti travailliste, est fortement contesté à sa droite, où un certain Ariel Sharon, à la tête du parti conservateur le Likoud, grimpe dans les sondages. Dans les rangs de Tsahal, l'humeur générale est plus que belliqueuse. Personne ne semble vouloir d'un nouveau protocole de paix. Résultat de toutes ces pressions politiques, Ehud Barak propose un plan de paix qu'Arafat ne peut accepter. Parmi les nombreux points de désaccord, le sort de Jérusalem qui cristallise toutes les tensions. Sur l'esplanade des mosquées, ou mont du Temple, Israël veut installer un lieu de prière pour les Juifs. Et ça, c'est inacceptable pour les Palestiniens musulmans. Les deux dirigeants quittent les États-Unis sans accord, mais avec la promesse, vaine, de tout faire pour cesser les violences et de se retrouver 6 mois plus tard pour enfin conclure la paix. Un vœu pieux. 29 septembre 2000, le journal de France Inter. Aujourd'hui, comme hier, Jérusalem a connu une journée d'une grande violence. Nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens devant l'esplanade des mosquées. 3 morts, 3 Palestiniens, 100 blessés, Palestiniens et Israéliens. Ce sont les affrontements les plus violents depuis 4 ans à Jérusalem. Il a suffi d'une visite d'Ariel Sharon, chef de l'opposition israélienne, pour que les heurts éclatent. Des événements qui montrent aussi la fragilité du processus de paix. La veille, Ariel Sharon, surnommé par les Palestiniens le boucher de Sabra et Shatila, commet l'irréparable en organisant une visite sur l'esplanade des mosquées. En réaction, des émeutes éclatent dans toutes les villes palestiniennes et elles sont réprimées dans le sang. La seconde intifada est déclenchée. Pour Ehud Barak, qui craint d'être balayé à l'élection du printemps 2001 et qui voit son armée de Tsahal de plus en plus incontrôlable, la stratégie de communication est simple. C'est Yasser Arafat qui a fomenté la seconde intifada. Selon le slogan scandé par toute la classe politique israélienne, le leader palestinien est devenu un non-partenaire pour la paix. Il est même le problème, pas la solution. En vérité, la stratégie consistant à faire d'Arafat au bouc émissaire est pensée de longue date. Avant même le sommet de Camp David, les communicants de Barak avaient tout prévu en cas d'échec des négociations. Il faudra en rejeter la responsabilité sur Arafat, mentionne un rapport, noir sur blanc. De fait, au lendemain du sommet de Camp David, les journaux israéliens, de concert avec les journalistes américains, fustigent l'intransigeance du président palestinien. Et d'intransigeant à terroriste, il n'y a qu'un pas. Arafat est accusé par tous de ne pas faire assez pour endiguer le terrorisme palestinien. Pire, il en serait l'instigateur secret. Février 2001, comme prévu, le gouvernement d'Ehud Barak est balayé par la droite dure d'Ariel Sharon. Et il trouve un allié de choix avec le président américain nouvellement élu, le très conservateur George Bush. L'union des droites américaines et israéliennes scelle le sort d'Arafat en poursuivant la stratégie de diabolisation du personnage. Alors que le Hamas, pendant ce temps, multiplie les attentats suicides, c'est lui, Arafat, qui est appelé le terroriste. Pourtant, les rapports des services secrets israéliens sont formels. Dans son siège de Ramallah, le vieux chef apparaît dépassé, ne contrôle plus grand-chose, et certainement pas les terroristes du Hamas. La spirale de la violence est à présent pleinement installée. Attentats, représailles, représailles et attentats. L'hiver 2001 est sanglant et le printemps 2002 sera plus sombre encore. Direction Israël d'abord, où les partisans du pire ont frappé une nouvelle fois. 15 morts au moins dans un attentat suicide. Le kamikaze s'est fait exploser dans le hall d'un hôtel de la ville de Netanya, alors que ses occupants commençaient à fêter la Pâque juive. Charles Anderlin, vous avez d'autres informations? Oui, en effet, le terroriste a réussi à passer à l'intérieur de l'hôtel. Il a passé la réception. Il est rentré dans la salle des fêtes, dans le restaurant, où une foule très nombreuse commençait le repas du Seder, le repas traditionnel de la Pâque juive, vous l'avez dit. Cet attentat risque d'avoir très vite des conséquences catastrophiques pour la région. En effet, l'entourage de M. Sharon a déjà annoncé que pratiquement la mission de l'émissaire américain Anthony Zinni était terminée et qu'Israël ripostera avec force à cet attentat sanglant qui ce soir est revendiqué par le Hamas, le mouvement islamiste. 30 morts et 143 blessés au dernier décompte. L'attentat de Pâques fait entrer le conflit dans une nouvelle ère. Tous les émissaires de la paix sont renvoyés dans les cordes. Sharon déclenche l'opération Rempart, alors les charges israéliens envahissent les territoires palestiniens de Cisjordanie. Les villes de Naplouse, Bethléem, Jedin et évidemment Ramallah sont les cibles. Et les combats sont terribles. Arafat est déclaré ennemi numéro 1 d'Israël. Les leaders du Hamas à Gaza, eux, ne sont pas inquiétés. Alors, les forces israéliennes assiègent le quartier général de la Moukata de Yasser Arafat, qui est pris au piège. Devant les caméras, à la lueur d'une bougie, il endosse le dernier rôle de sa vie, celui de l'assiégé. Je lance un appel au monde pour qu'il fasse cesser cette agression contre mon peuple. Against our people. Cette escalade militaire, ces tueries. This killing. They are declaring that they les Israéliens ont déclaré qu'ils continueraient l'escalade militaire et qu'ils avaient d'autres plans contre notre peuple. More and more plans against our people. Nous marchons jusqu'à ce que nos enfants hissent le drapeau palestinien sur les églises et les mosquées de Jérusalem. Et c'est l'isolement physique et diplomatique pour Arafat. Il va durer 2 ans et demi jusqu'à sa mort. Mais les charges israéliens, qui auront réduit en poussière l'intégralité du site de la Moukata, ne s'en prennent pas à la chambre et au bureau dans laquelle Arafat vit reclus, entouré de quelques fidèles. Comme si, après avoir tué l'influence politique et la stature internationale du vieux leader, Sharon prenait grand soin de ne pas en faire un martyr. Dans une conversation en marge de Milan entre Sharon et Bush, rapportée par Newsweek, le dirigeant israélien a promis d'ailleurs, yeux dans les yeux à son homologue américain, qu'il ne tuera pas Arafat. Une autre conversation entre Sharon et Bush, datée, elle, d'avril 2004, quelques mois avant qu'un repas suspect ne soit servi au QG d'Abu Qatada, laisse toutefois planer un doute sur les intentions d'Israël. Il faut laisser le destin d'Arafat entre les mains de Dieu, assène Bush. Oui, mais vous savez, parfois, Dieu a besoin d'une aide, réplique Sharon. على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين Aujourd'hui, la mort de Yasser Arafat. France Inter, affaires sensibles. Sur des prélèvements effectués lors de l'exhumation de la dépouille du chef de l'OLP l'année dernière à Ramallah, les experts ont trouvé des traces 20 fois supérieures à la normale de polonium-210, un élément radioactif. Est-ce que nos résultats supportent ou non l'hypothèse de l'empoisonnement? Et la conclusion que nous avons donnée, c'est nos résultats supportent raisonnablement l'hypothèse de l'empoisonnement. 7 novembre 2013, les experts suisses font la une. Ils sont les premiers à rendre publics leurs résultats et ils l'affirment, Arafat a été empoisonné au polonium-210. Le lendemain, l'autorité palestinienne, par la voix de sa commission d'enquête, annonce qu'à ce jour, le seul suspect dans l'assassinat d'Arafat est Israël. Mais si Sharon apparaît comme le seul commanditaire crédible, la commission d'enquête n'exclut pas la complicité d'une main palestinienne. La veuve, soit Arafat, va même plus loin. Aux enquêteurs français, elle dit accuser le premier cercle palestinien et non l'État hébreu. Et elle vise tout particulièrement Mahmoud Abbas, le successeur. Lui, le président sans légitimité, en accuse un autre, son vieil ami et concurrent Mohamed Dahlan. L'ancien chef de la sécurité d'Arafat, qui fut aussi un ministre important de Mahmoud Abbas, vit loin de la Palestine. Exilé pour fait de corruption, il porte surtout la marque de la défaite du Fatah face au Hamas dans la bande de Gaza. Pour Abbas, non content d'en faire le responsable de la déroute de son parti, c'est sûr, c'est Dahlan, le Brutus, qui a tué le vieux César. Alors on s'arrange pour ressortir des vieilles déclarations compromettantes. Conflits d'intérêts et vieilles inimitiés ressurgissent au plus haut niveau de l'État palestinien. Et si son assassin avait toujours été tapi dans l'ombre? Ce qui est sûr, c'est que durant les mois avant sa mort, jamais Arafat n'aura été autant contesté dans son propre camp. Retour à Ramallah au printemps 2003. Voilà un an qu'Arafat est enfermé dans la Moukata et qu'Israël et les États-Unis ont décidé son bannissement de la scène politique. Le président Bush déclare publiquement, et cela fait grand bruit, qu'il souhaite un changement de leadership en Palestine. Au bon vouloir d'Ariel Sharon, qui a pouvoir de vie et de mort sur le vieux chef, Arafat peut recevoir des visites diplomatiques et s'entretenir avec les journalistes internationaux. Reclus dans son bureau de la Moukata, il gère encore, de façon assez unilatérale, les affaires intérieures et tient les cordons de la bourse. Mais sa santé se dégrade. Sa maladie de peau s'est aggravée. Ses pieds sont tellement enflés qu'il a du mal à faire les 100 pas qu'il s'impose pourtant chaque jour. Après des semaines de pressions internationales, principalement venues des États-Unis, des Occidentaux, mais aussi de ses alliés du monde arabe, Arafat cède. Il transfère une partie de ses pouvoirs à un premier ministre dont le poste est créé pour l'occasion. Le week-end dernier, George Bush avait insisté sur le règlement du conflit israélo-palestinien, avec comme préalable à la présentation d'un plan de paix la nomination d'un premier ministre palestinien. C'est chose faite aujourd'hui. Le numéro 2 de l'OLP, un modéré, Abu Mazen, a été nommé à ce poste après que Yasser Arafat ait finalement accepté de signer la loi créant cette fonction. Le choix d'Abu Mazen était souhaité par la communauté internationale. Le nouvel interlocuteur de l'Occident, Abu Mazen, qui répond aussi au nom de Mahmoud Abbas, n'est pas apprécié par Arafat. Mais on ne lui a pas laissé le choix. Israël et la communauté internationale avaient besoin d'un nouveau partenaire pour reprendre des négociations de paix. D'autant que la situation est urgente. La seconde intifada qui fait rage depuis septembre 2000 a plongé l'État hébreu dans une crise sans précédent. Dans les territoires palestiniens, à présent encerclé du fameux mur, une barrière de séparation de 50 mètres de large qui ne cesse de s'allonger et qui entrave toute vie économique, la situation humanitaire est catastrophique. Le chômage atteint plus de 60% de la population et 30% des enfants palestiniens sont malnutris. L'Occident a un objectif encore plus urgent, la guerre en Irak, qui se prépare. Américains et Britanniques ont intérêt à mettre de l'ordre en Terre Sainte pour limiter les tensions avec les Arabes. Dans le nouveau gouvernement d'Abbas, un homme est particulièrement en vue. Mohamed Dahlan, le ministre de l'Intérieur et chef des services de sécurité. De lui aussi, Arafat ne voulait pas. Il faut dire que celui qui fut son protégé s'est détourné de lui en démissionnant de son poste de chef de la sécurité préventive de Gaza en 2002, demandant des réformes urgentes du fonctionnement du pouvoir. Un an plus tard, ce jeune loup de la politique palestinienne revient aux affaires avec une promesse faite aux Occidentaux, mettre au tapis les terroristes du Hamas à Gaza. Et c'est bien cette bande de terre qui va devenir tout l'enjeu des négociations, car Israël ambitionne une mesure forte, le retrait de Gaza. 3 juin 2003, port d'Aqaba en Jordanie. Mahmoud Abbas rencontre Ariel Sharon sous l'égide du roi Abdallah de Jordanie et du président Bush. Dahlan, le chef de la sécurité palestinienne, discute avec son homologue israélien, le ministre de la Défense, Shaul Mofaz. Une caméra surprend quelques mots de leur conversation. C'est Mofaz qui parle en premier. Nous avons affaibli Arafat, mais il continue à vous causer des ennuis. Je m'en occupe. Il y a encore 3 ans, il n'aurait jamais admis que je me trouve aux côtés de Mahmoud Abbas. C'est toute la différence. Il vous manœuvre, il vous pousse ici et là. Peut-être, mais aujourd'hui, il m'appelle 10 fois par jour. À la tribune, devant les caméras du monde entier, et sous les yeux attentifs de George Bush et d'Ariel Sharon, Mahmoud Abbas prend la parole. Devant sa télé, Yasser Arafat n'en manque pas une miette, et il bout de colère. Les mots fusent, trahison, haute trahison. Sur France 2, Charles Anderlin raconte le sommet. Voici l'image que George Bush voulait projeter. Un président des États-Unis qui prend les choses en main au cœur du conflit israélo-palestinien. Un président qui a obtenu d'Ariel Sharon et de Mahmoud Abbas la toute première étape de la feuille de route. 2 déclarations, dont chaque mot, chaque virgule, ont fait l'objet de longs pourparlers. Mahmoud Abbas a prononcé les phrases que l'on attendait de lui. Nous allons employer tous nos efforts et toutes nos ressources pour mettre un terme à la militarisation de l'intifada et nous réussirons. L'intifada armée doit finir et nous devons lutter contre l'occupation dont nous souffrons tant par des moyens pacifiques. En même temps, nous ne voulons pas faire semblant de ne pas reconnaître la souffrance des Juifs tout au long de l'histoire. Mais l'été qui suit est encore très meurtrier. Le 19 août 2003, un imam se fait exploser dans un bus bondé d'enfants à Hébron. 23 morts, 130 blessés. Faisant fi de la trêve décrétée entre les Israéliens et les organisations palestiniennes, le Hamas continue à répandre le sang des civils israéliens. Faute de moyens, Dahlan est incapable de contenir le mouvement islamiste. Abbas est conspué de toutes parts dans les rues des villes palestiniennes. Il est vu comme un dirigeant à la botte des Israéliens et des Occidentaux. Arafat, toujours isolé, ne manque pas une occasion de souligner sa traîtrise. 6 septembre 2003, c'est avec un grand sourire que le vieux chef reçoit la lettre de démission de son premier ministre. Avec beaucoup de satisfaction dans la voix, il la lit à ses proches. Ton intention était claire, laisser en place le gouvernement pour l'accuser de tous les échecs, en faire la cible de la haine qui remplit les cœurs. Puisque vous êtes persuadé que j'ai trahi la confiance qui m'a été accordée, je restitue mon mandat, écrit Abbas. Dans son discours de démission au Conseil législatif, il tire à vue. Dans tous les pays du monde, il y a un système de retraite. Combien de temps allons-nous devoir garder dans le même ministère le grand-père, le fils et le petit-fils, alors que notre pays compte 18 000 jeunes diplômés au chômage? Il faut statuer également sur les prélèvements effectués sur les salaires, qui peuvent atteindre 15%. Pour ma part, j'ignore où va cet argent. Amer, Abbas quitte ainsi le pouvoir, bientôt suivi de l'ancien favori d'Arafat, Mohamed Dahlan. Ces deux-là ne reviendront aux commandes qu'une fois leur haïs allongé sur son lit de mort. Le lendemain de cette rocambolesque démission, le Hamas salue la nouvelle à sa façon. Autrement dit, par un nouvel attentat suicide dans une station-service. Cette fois, 9 morts, 30 blessés. L'après-midi même, à Jérusalem, un café explose. 7 morts, 50 blessés. C'est l'escalade. Mourant un petit feu, isolé dans son QG, Arafat n'endigue en rien cette flambée de violence. Mais il tire encore les ficelles du pouvoir palestinien. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce mystérieux repas qui lui tord le ventre le 12 octobre 2004. Le 23, il est au plus mal. En quelques jours, il a perdu 10 kilos. Des médecins dépêchés de Tunisie arrivent à la Moukata. Personne ne comprend ce qui lui arrive, mais une certitude règne. Le président est en train de mourir. On le somme d'accepter de partir se faire soigner en France où son vieil ami Jacques Chirac lui ouvre grand les bras de ses hôpitaux. Arafat n'accepte qu'après avoir eu la promesse de pouvoir rentrer chez lui une fois soigné. Sharon, lui, est hésitant. Laisser partir Arafat ou pas? Mais ses services en communication avec les Palestiniens le rassurent. Son vieil ennemi est mourant, il ne reviendra pas vivant. Alors, le premier ministre israélien accepte. Le 29 octobre, face aux milliers de Palestiniens venus le saluer dans une magnifique communion, le vieux Arafat monte difficilement dans l'hélicoptère qui assure son transfert. Les larmes aux yeux, il envoie de grands baisers à son peuple et à sa terre, qu'il voit pour la dernière fois. L'actualité à l'étranger avec d'abord cette précision. Les experts mandatés par la justice française écartent l'hypothèse d'un empoisonnement d'Yasser Arafat. Leur rapport conclut à une mort naturelle suite à une infection généralisée. Le mois dernier, vous vous en souvenez, des experts suisses mandatés par Soua Arafat avaient abouti à des conclusions inverses évoquant la piste de l'empoisonnement, même si la conclusion n'était pas formelle. La veuve de Yasser Arafat conteste ces conclusions et se dit, je cite, « bouleversée par ces contradictions ». 3 décembre 2013, c'est la douche froide pour Soua Arafat. Les scientifiques français contredisent donc les résultats suisses. Leurs mesures de radioactivité ne diffèrent pas tant, mais leur interprétation n'est pas la même. C'est un communiqué laconique du parquet de Nanterre qui le confirme, concluant à une absence d'un empoisonnement au polonium-210. Les Français refusent de rendre public leur rapport pour des raisons juridiques. 2 semaines plus tard, les Russes, eux, enfoncent le clou. Pas de rapport non plus, mais un communiqué qui a été retravaillé par le ministère des Affaires étrangères de Poutine. Il y a eu des déclarations ambitieuses de la part des Suisses, mais elles ont été retirées et les Français ont confirmé nos conclusions. Un an plus tard, le parquet de Nanterre valide la position de la justice française. Arafat est décédé de mort naturelle. Pas de quoi convaincre le peuple palestinien, évidemment. L'opération exhumation fut un échec, mais la commission d'enquête palestinienne travaille toujours, aujourd'hui même, pour réunir des preuves de l'assassinat. Et on attend ses conclusions. À À ce jour, en 2023, aucune nouvelle élection n'a été tenue dans les territoires palestiniens depuis 2006. Et depuis la mort de Yasser Arafat, il y a bientôt 20 ans maintenant, et encore moins en ces nouveaux mois d'horreur, plus personne n'ose imaginer qu'une paix est possible avec les Israéliens. Nothing you ain't had before. It ain't nothing you ain't felt before. And still you try. Is there nothing new? Is there nothing to inspire you? So you found that all your dreams came true. And still you cry. Time is running now. Can you get back what you lost somehow? Can you round up all those memory and tell them to breathe? There's a future coming up behind, and I can feel it, but I don't know where it's coming from. And I can hold it, but I cannot see its face. And time out of my hand. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la mort de Yasser Arafat, dont nous parlons avec notre invité Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur en géopolitique, professeur de relations internationales, vous publiez la 6e édition de l'Atlas géopolitique d'Israël chez Autrement. Donc vous êtes bien placé pour parler de ce sujet. Pour commencer, où en sont les investigations menées par la commission d'enquête palestinienne? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça avance? Ah non, ça n'avance absolument pas, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et ouais, il n'y en aura sans doute pas tant qu'on n'aura pas réexhumé Arafat. Et là, franchement, ça paraît extrêmement difficile au regard du contexte politique intra-palestinien, dont vous avez bien parlé tout à l'heure, avec techniquement la guerre entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Donc, et d'autre part, s'il n'y a pas de témoignages dignes de foi provenant de gens encore vivants, et encore, un témoignage est-il une preuve? Donc non, on n'en est absolument nulle part. On va vers une configuration genre Kennedy dont on ne saura jamais. Ça ressemble quand même. Hein. Alors ça ressemble un petit peu à ça, avec peut-être quelque chose de supplémentaire. Là aussi, vous l'avez très bien dit, ça arrange à peu près tout le monde, oui. Qu'on ne sache pas, parce que et notamment d'ailleurs les Palestiniens, parce que je pense qu'on y reviendra, mais les Palestiniens et d'ailleurs dans l'ensemble du monde arabe, on est absolument certain de l'hypothèse israélienne. Bon, très bien, mais en réalité, ça permet surtout d'éviter de se poser la question de savoir qui autour de Yasser Arafat avait peut-être intérêt, avait un véritable mobile pour enfin l'éliminer. La piste israélienne vous paraît crédible ? Alors, la piste israélienne ne me paraît pas très crédible. Pourquoi ? Parce que c'était Sharon qui était au pouvoir. Or, Sharon avait besoin de d'Arafat comme un punching ball. Et d'ailleurs, ça a été très bien narré tout à l'heure, au fond de 2001 à 2004, il ne le tue pas. Mais il ne l'emprisonne pas. Il aurait pu envoyer ses soldats, au moins pour aller l'emprisonner et pour aller le juger. En réalité, la moukata est cassée. Tout autour, les soldats israéliens investissent les camps de réfugiés palestiniens et les bases palestiniennes. Et la confrontation, elle est générale, sauf dans l'œil du cyclone. À la moukata, Yasser Arafat... Faut pas en faire un martyr, c'est ça. Non seulement il faut pas en faire un martyr, mais d'autre part, ça permet à Ariel Sharon de maintenir en quelque sorte dans son propre camp, dans le camp israélien, et en particulier dans celui des nationalistes, qui est à l'origine le sien quand même, là, l'image de l'ennemi public numéro un. Bon, donc c'est un peu retenez-moi où je fais un malheur. Mais donc ça arrangeait, me semble-t-il, Sharon d'avoir un Arafat plutôt vivant. Est-ce que l'enquête sur la mort d'Arafat représente encore un enjeu de pouvoir pour les Palestiniens et pour Mahmoud Abbas ? Eh ben écoutez, moi je ne le crois pas, parce que Mahmoud Abbas, il arrive lui-même, d'une manière ou d'une autre, en fin de course. On peut lui souhaiter une très longue vie, mais enfin, il a quand même 87 ans, révolu. Il est au pouvoir depuis 2005, puisqu'évidemment, il a pris la succession d'Abou Ammar, le vieux chef Arafat, et il refuse d'organiser des élections depuis maintenant pas mal d'années, et il finira sans doute depuis 2006, ça fait quand même beaucoup, et il finira sans aucun doute sur scène, comme d'autres, à la tête de l'autorité palestinienne, en tout cas de ce qu'il en reste. Bon, donc je ne suis pas certain qu'on en soit encore là. En réalité, aujourd'hui, l'important pour les Palestiniens, c'est de savoir si, oui ou non, Mahmoud Abbas aura un successeur un peu digne de ce nom, je veux dire un peu stratège, un peu plus politique que lui, peut-être un peu plus démocrate aussi. Et une figure charismatique aussi. Et une figure charismatique, ça compte, hein. On a parlé d'Ahlan, lui, a priori, était quand même beaucoup plus charismatique, mais enfin, il vit aux Émirats arabes unis pour l'instant, ou alors si c'est le Hamas. Ouais. Et là, ça prend une toute autre dimension parce que jamais les Israéliens n'accepteront évidemment que le Hamas soit à la tête de l'autorité palestinienne. Alors, je finis sur les hypothèses, donc israéliennes pas forcément crédibles. Le Hamas ou l'intérieur de l'autorité palestinienne. Ouais, moi, alors le Hamas est aussi une hypothèse. Après tout, forcément. Mais bien sûr, puisque Arafat était en guerre avec le Hamas, même si à certains égards ils ont pu être alliés ici ou là. Mais enfin, en tout cas, à chaque fois qu'Arafat avançait dans un processus de paix, on rappellera à vos auditeurs celui d'Oslo, évidemment, de 93 à au moins, allez, on va dire 2000. Eh bien, à chaque fois que ça avançait, le Hamas tapait très très fort. Le Hamas a contribué massivement à l'échec d'Oslo. Et du coup, qui perdait de la crédibilité ? C'est évidemment Arafat. Bon, donc c'est le Hamas, oui, c'est possible. Mais je dois vous avouer que je penche effectivement pour une hypothèse intra-palestinienne parce que ça n'avançait plus, parce que, j'allais dire, la cause reculait même, avec l'échec de Camp David II. Et d'ailleurs, Mahmoud Abbas, je le dis sans l'accuser en quoi que ce soit, mais Mahmoud Abbas, immédiatement après la mort d'Arafat, donc lorsqu'il a pris le pouvoir à la tête de l'autorité palestinienne, a dit publiquement, Ourbi et Torbi, il l'avait même dit d'ailleurs, je m'en souviens dans le Figaro, en France, sur deux pleines pages, la militarisation de l'intifada a été une catastrophe. C'est Mahmoud Abbas qui le disait. Et Mahmoud Abbas, au moment où la deuxième intifada s'enclenche, donc on est effectivement fin septembre, début octobre 2000, alors Arafat la veut pas, en tout cas, à tout le moins, il ne peut pas l'empêcher, ou il ne veut pas l'empêcher. Eh bien, Mahmoud Abbas, donc Abou Mazen, actuellement au pouvoir, à la tête de l'autorité palestinienne, lui le supplie de ne pas y aller, parce que le rapport de force, il n'est pas favorable à Israël. Et Arafat l'engueule, il le fout dehors. Donc là, on a effectivement, à l'époque, une ligne stratégique radicalement différente. Ça peut constituer réflexion pour une hypothèse. Sauf que la décision d'Arafat était erratique. C'est Abbas qui avait raison. Abbas qui a eu raison, bien évidemment. La militarisation de l'intifada a effectivement été un désastre pour les Palestiniens. Vous avez dit l'autorité palestinienne ou ce qu'il en reste. Dans quel état elle est, cette autorité palestinienne, aujourd'hui ? Alors, par un faux paradoxe, elle est sur le plan administratif, financier, elle se tient très bien. Elle n'a jamais été en meilleure santé grâce à vos impôts et aux miens, puisque c'est la communauté internationale qui, pour l'essentiel, tient l'autorité palestinienne, avec l'accord évidemment d'Israël, qui veut tout sauf l'effondrement social des Palestiniens, notamment en Cisjordanie. Mais pourquoi je dis ce qu'il en reste ? Parce que sur le plan politique et diplomatique, regardez à quel point les grandes chancelleries du monde ont d'autres chats à fouetter. Regardez à quel point, y compris d'ailleurs dans les États arabes, je vous rappelle qu'il y a exactement 3 ans ont été signés les accords d'Abraham, au cours desquels 4 États arabes, et non des moindres, Maroc, Émirats arabes unis, Soudan et Bahreïn, ont signé la paix avec Israël. Alors même qu'il n'y a aucun qu'une espèce de début d'avancée sur le conflit israélo-palestinien. Donc, je résume, les grandes chancelleries et les chancelleries arabes ont considéré ces dernières années que le conflit israélo-palestinien était finalement relégué au rang de simple contentieux régional. Et ça, il faut bien imputer une partie... C'est un changement de paradigme, ça, dans la politique. Mais complètement, mais bien sûr. Et il est assez récent. Et regardez encore une fois, je reprends mon expression, à quel point la crise ukrainienne, la crise taïwanaise, d'autres crises d'ailleurs dans le monde, passent systématiquement devant la question palestinienne. Et là, une partie des Palestiniens ne peuvent pas ne pas en avoir à le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui n'a jamais réussi diplomatiquement à maintenir le conflit à un niveau relativement élevé. C'est ce qui explique le crash du Fatah aux élections de 2006, face au Hamas notamment. Entre autres, parce qu'il ne faut jamais oublier le social. Ici, on a toujours tendance à considérer que les Israéliens et les Palestiniens se lèvent tous les matins un couteau entre les dents en se demandant comment ils vont pouvoir écraser l'autre. En réalité, les gens cherchent à se nourrir correctement, à nourrir, à vêtir, à scolariser, à soigner leurs enfants. Et à l'époque, la situation des Palestiniens, d'ailleurs l'économie israélienne aussi, mais bien sûr des Palestiniens davantage encore, elle est désastreuse. Et le Hamas, comme tout mouvement extrémiste, politique ou religieux d'ailleurs, qui se respecte, a toujours fait du social. Oui, c'est vrai, comme le Hezbollah envoyé par l'Iran, notamment au sud du Liban. Mais bien sûr, comme le Hezbollah au Liban et comme dans l'Europe des années 20 et 30, des mouvements de nature politique. Donc, les extrémistes font du social, le Hamas a toujours très bien fait du social, là où l'autorité palestinienne n'en faisait pas assez au mieux, et là où un Yasser Arafat était accusé au pire de corruption et de prévarication. Et ouais, ça, pour les Palestiniens, c'était quelque chose de très difficile à digérer. Sans vouloir simplifier, surtout, est-ce qu'on peut dire que le Fatah est laïque et le Hamas religieux ? Oui, oui, à l'origine, c'est ça. C'est ça, oui. Même, hein. Le Fatah, c'est la branche principale de l'OLP, création au Caire en 64, sous l'égide de qui ? De Nasser. Donc là, on est sur la notion de Watan, donc la nation en arabe, sur du nationalisme bontain, alors que le Hamas sera créé en 1988 dans la bande de Gaza. Et ça, c'est la branche palestinienne des Ikhwan, c'est-à-dire des frères musulmans. On se retrouve dans 2 minutes et demie, 3 minutes, Frédéric Ancel, après avoir écouté Voyou, l'hiver. Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Frédéric Ancel, on a oublié, enfin j'ai oublié, parmi les hypothèses, il y a aussi l'hypothèse de la mort naturelle. On ne peut pas l'occulter non plus. Non, non, effectivement, Yasser Arafat n'était pas tout jeune, c'était un homme usé. Il avait échappé, effectivement, vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, à un nombre incalculable d'attentats et d'accidents. Après, écoutez, moi je ne suis pas médecin légiste, mais effectivement c'est une hypothèse. Oui. Alors, on va revenir quand même, avant de parler d'Israël, sur le rôle de la France dans la mort de Yasser Arafat. Quel était l'enjeu pour la diplomatie française de l'accueillir comme ça? Est-ce que la phrase historique de Yasser Arafat en mai 89, où il déclare caduque, le fameux mot caduque, la charte palestinienne qui prônait l'élimination de la présence sioniste et impérialiste, est-ce que c'est une récompense d'une volonté de paix, ou est-ce qu'il y a un rapport entre Chirac et Arafat, et d'ailleurs les pays arabes qui est très fort? Alors, de toute façon, Jacques Chirac était l'incarnation même de la politique arabe de la France voulue par De Gaulle, en tout cas la fin du deuxième mandat du général De Gaulle. Bon, Jacques Chirac et l'Irak, Jacques Chirac et la Libye dans une moindre mesure. La Libye, ça avait déjà commencé d'ailleurs avec Pompidou. Jacques Chirac et les Palestiniens, oui, bien sûr, ça c'est une histoire déjà très ancienne. Et le président français voulait, à l'époque encore, incarner celui par qui pouvait intervenir une paix juste et durable dans la région. D'ailleurs, ce n'est pas Chirac. Souvenez-vous que François Mitterrand, arrivant au pouvoir en 81, propose quasi immédiatement une grande conférence internationale à Paris, tant qu'à faire. Et d'ailleurs, à l'époque, il parle de territoires disputés et non pas de territoires occupés. Donc, la France pensait devoir jouer un rôle fondamental dans la paix israélo-palestinienne. Très franchement, je crois que ce temps est révolu. Alors, parlons d'Israël, puisque vous éditez l'Atlas géopolitique d'Israël, c'est la 6e édition, aux éditions Autrement. Où va Israël ? Mais que se passe-t-il avec cette réforme de la justice, cette peur d'une partie de la population que cette démocratie soit écornée? C'est important quand même. Oui, c'est très important. Alors d'abord, il y a deux choses. Je vous dirais que beaucoup d'Israéliens croient moins qu'autrefois, beaucoup n'y croient plus du tout, à la possibilité d'une paix avec les Palestiniens. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre, mais il s'agit finalement de travailler sur autre chose, notamment l'économie, la diplomatie, le high-tech. C'est devenu la high-tech nation, etc. Bon, de ce point de vue-là, on a des gouvernements, les uns après les autres, ces dernières années, qui ne comptent plus parmi leurs priorités, c'est le moins qu'on puisse dire, la remise sur les rails d'un processus de paix. Et là, d'ailleurs, vous avez un gouvernement qui est dans le centre de gravité très nationaliste. Bon, ça, c'est le premier point. Maintenant, à l'intérieur, c'est effectivement, je crois que l'enjeu est au moins aussi important, c'est effectivement une espèce de Kulturkampf, de combat culturel, comme souvent, dans beaucoup d'États, y compris des États démocratiques comme Israël, avec aujourd'hui une droite nationaliste flanquée d'alliés religieux et pour certains d'ultra-orthodoxes, qui considèrent que la Cour suprême, qui correspond pour la France, la Cour suprême, c'est un peu à la fois la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Voilà, pour Israël, c'est un peu tout ça pour Israël. Ça serait un peu tout ça, si vous voulez. Et là, la Cour suprême a souvent émis ces dernières décennies des avis qui n'étaient pas que consultatifs, qui avaient force de loi face à des gouvernements qui en faisaient trop sur le sécuritaire, ou qui en faisaient trop aux intérêts palestiniens. Un contre-pouvoir, donc. Et donc, finalement, c'est un contre-pouvoir extrêmement bienvenu dans toute démocratie qui se respecte. Et Netanyahou, d'une part, et une partie, pas tout son gouvernement, mais une partie de sa coalition, d'autre part, souhaitent en finir avec ce qu'ils appellent, eux, le primat ou la primauté de la justice, et notamment de cette Cour suprême, qui, d'après eux, serait essentiellement composée de gauchistes. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Maintenant, vous voyez que tous les jours, à peu près tous les jours dans la rue en Israël, d'ailleurs dans les urnes, ça s'est joué à pas beaucoup, des centaines de milliers d'Israéliens manifestent contre cette éventuelle réforme. Il n'est pas du tout dit, d'ailleurs, qu'elle passe, mais effectivement, je vous rejoins, il y a aujourd'hui un Kulturkampf avec, objectivement, une droite de la vie politique israélienne, ça c'est les choses sont claires, et davantage de poids religieux. Alors, sur le poids religieux, je le dis d'un seul mot, ça concerne non seulement toute la région, mais regardez ce qui se passe en Occident. Donc vous avez de plus en plus d'instrumentalisation du religieux au profit du politique, et ça, c'est vrai en Occident, c'est vrai en Israël, c'est vrai dans les États arabes, et jusque y compris en Inde. En revanche, du point de vue de la Cour suprême, là effectivement, c'est un point aujourd'hui qui concerne les Israéliens eux-mêmes. Et la droitisation d'Israël va dans le sens de l'histoire qu'on connaît, il y a quand même beaucoup d'espace géopolitique qui se droitise en ce moment. Idem, absolument. Je vais pas reprendre la litanie des États ou des gouvernements, y compris en Occident, qui se sont droitisés ces dernières années. Écoutez, vous savez, Bertolt Brecht disait la chose suivante, on peut dissoudre une assemblée, mais pas un peuple. Les Israéliens ont voté. Alors, Un mot maintenant, et pour terminer sur la stratégie extérieure, géopolitique d'Israël, ses alliances. Israël tourne les yeux vers qui maintenant ? Est-ce qu'il a changé ? Est-ce que ce pays a changé d'alliance, a changé de vue géopolitique ? Alors, changer d'alliance, non. Les États-Unis restent de manière tout à fait déterminante la première, le premier État allié d'Israël, pour toute une série de raisons. Mais les Israéliens se sentent ouverts à d'autres horizons. C'est vrai de l'Inde, que je citais il y a un instant, à la fois sur le plan diplomatique et économique. C'est vrai de toute l'Asie centrale, à partir de la chute de l'URSS, il y a eu toute une série d'accords économiques qui ont été liés. J'ajoute qu'il y a 1,5 million de russophones en Israël, oui. Ce qui n'est pas négligeable. Et oui. Beaucoup proviennent d'ailleurs, entre parenthèses, d'Ukraine, de Russie, mais également d'Asie centrale. Bon. Et puis, les Européens, les Israéliens lorgnent aussi beaucoup, alors, vers l'Europe orientale, qui est très favorable à Israël, mais surtout vers l'Afrique. Et on l'oublie trop souvent. Et quel pays ? Oui, avec. Eh ben, alors notamment l'est de l'Afrique, la corne de l'Afrique. Non, plutôt l'ouest de l'Afrique, avec notamment des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, qui sont assez traditionnellement favorables à Israël. C'est vrai aussi du Rwanda. C'est vrai aussi de la corne de l'Afrique qui intéresse davantage les Israéliens pour des raisons géographiques liées à la mer Rouge. Oui. Bien sûr, liées à la mer Rouge. D'ailleurs, le Soudan fait partie des quatre signataires des accords d'Abraham, hein, quand même, hein, qui a une fenêtre maritime sur la mer Rouge, et d'autres États comme le Nigeria. Et bien évidemment le Maroc, mais là on est dans la sphère arabe. Donc vous avez une ouverture tous azimuts, ce qui n'avait pas été possible au cours des premières décennies de la création de l'État d'Israël. Ce sera le mot de la fin, cher Frédéric Ancel. Merci à vous. Cet exposé, encore une fois, tellement complet. À bientôt. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la mort de Yasser Arafat. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.